Le rendez-vous consacré à la journée mondiale du lavage des mains a eu lieu le 17 au Palais des enfants de Mangyongdae à Pyongyang. Y ont pris part les cadres des unités intéressées, comme le comité de l'enseignement et le ministère de l'administration urbaine, les enfants et enseignants de la ville de Pyongyang, les officiels des représentations des institutions internationales, comme la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Corée. À la suite des interventions, il y a eu la représentation artistique des membres des cercles artistiques du palais.